Convention réglementée. Vous savez que sont réglementées et donc soumises à un contrôle des associés d'une SARL les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son gérant, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. À défaut d'approbation des associés, les conséquences dommageables de ces conventions réglementées, pouvant en résulter pour la société, restent à la charge du gérant. Voici une illustration de ce principe. Le gérant d'une SARL n'a pas respecté la procédure des conventions réglementées en s'abstenant de soumettre à l'approbation des associés le contrat de location consenti à la SARL par une SCI dont il était l'associé unique. Ce gérant a été condamné à rembourser à la SARL les loyers versés car les juges ont considéré que le contrat de bail signé par le gérant en sa double qualité de représentant de la SCI Bayres et de la SARL locataire excédait en l'espèce le cadre des opérations courantes. Il s'analysait donc en une convention réglementée qui aurait dû être soumise à l'approbation des associés.